vous souvenez peut-être du passé. Par exemple, comment dit-on « j'ai parlé » ? J'ai. Et oui, parlé. Hablado. Et hablado, oui. Hein? Donc, on utilise « avoir ». Il y a deux verbes « avoir » en espagnol. Il y a « tener » et il y a « haber hein? ». H-A-B-E-R. Haber. Qui est en fait un verbe auxiliaire. Hein? Un auxiliaire, c'est ce que je compare à un plongeoir à partir duquel on peut plonger dans le passé. Donc, à partir du plongeoir, c'est-à-dire après « haber », si le verbe est un « ar », on plonge dans le passé avec « ado », comme « hablar » qui donne « hablado »,« tomar »,« tomado »,« comprar », »,« comprado ». Mais si ce n'est pas un verbe en « ar », alors on plonge dans « ido ». Par exemple, « vender » qui donne « vendido », « comer », comido, salir, salido. Avoir, haber, correspond en fait aux terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? Re. Re. Re, oui. Et avec le nous? Remos. Re, remos et? Ra. Ra. Ran. Ras. D'accord. Alors, remplaçons le R de RE, REMOS, RA, etc. par un H. Donc, au lieu de RA, on aura HA. Au lieu de RE, on aura E. E. Et pour la forme du nous, EMOS. EMOS. Et avec IL ou ELLE ou USTED, A. Ah, d'accord. Et avec il ou elle au pluriel, ou ustedes? An. Et avec tu? As. As. Voilà, vous venez de me donner les formes de avoir, hein? Haber, le plongeoir qui nous permet de plonger dans le passé. Alors, si vous voulez dire « j'ai acheté quelque chose », ça sera et comprado algo. He comprado algo. Et je l'ai acheté. Lo he comprado. Lo he comprado, oui. Nous l'avons acheté. Lo hemos comprado. Lo hemos comprado, en effet. Et ils l'ont acheté. Lo han comprado. D'accord. Lo han comprado. Han, qui s'écrit H-A-N. H-A-N, d'accord, hein? Anne. Il l'a vendu, ça sera lo ha vendido. C'est ça, lo ha vendido, d'accord. Et nous avons mangé hemos comido. Hemos comido. Et il ou elle est sorti es salido. Bon, alors, en espagnol, il n'y a qu'un seul plongeoir possible pour former le passé avec plongeoir. Et c'est « haber hein? », « avoir », jamais « être ». Donc, en fait, on dira littéralement « il ou elle a sorti », c'est-à-dire « ha salido ».« Ha salido », oui. Hein? « Ha salido », qui vaut à la fois pour « il est sorti » et « elle est sortie ». Vous plongez dans « ido », quel que soit le sujet, qu'il soit masculin ou féminin. « Ha salido ». D'accord ? Donc, c'est une manière d'exprimer le passé avec plongeoir.